Il n'est jamais trop tard pour la peine. Oh non, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour la peine. Écoutez ça. Il n'est jamais trop tard pour la peine. Tout le monde se porte, tout le monde, tout le monde. Il n'est jamais trop tard pour la peine.